Audiomatique. pour amorcer la transmission 540 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le duo anglais In the Nursery. De son album intitulé Blind Sound et paru en 2011, nous écoutions la pièce Past Glory. Et allons-y maintenant avec la formation Bourbonese Quark. Thank you. À Audiomatique, nous venons d'écouter le projet Circulo Interior et sa composition Primera Sequencia qu'on peut retrouver sur la compilation Sintomas de Tecno Ondas Electronicas Subterraneas desde Perú qui regroupe différents projets de la scène électro-industrielle péruvienne entre les années 1985 et 1991. Avant, c'était le duo Chris and Cozy et la pièce Bus Stop tirée du premier album Heartbeat publié en 1981. Et pour amorcer la séquence, la formation Bourbonese Quark nous offrait sa pièce Barcelona Telephone Exchange de l'album Laughing Afternoon qui lui est sorti en 1983. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation allemande Jazz Rauch Big Band. No. Il s'agissait à Audiomatique de la formation allemande Jazz Rauch Big Band de son album Bruckner's Breakdown sorti en 2016. Il nous présentait la pièce Ghost Riders in the Desert. Mentionnons que l'album Bruckner's Breakdown contient des pièces du compositeur autrichien Anton Bruckner réinterprétées par le Jazz Rauch Big Band. Toujours à Audiomatique, écoutons maintenant la formation britannique Kitchens of Distinction. Thank you. À Audiomatique, nous venons d'entendre la formation Lush et sa composition Desire Lines se retrouvant sur l'album intitulé Split, paru en 1994. Avant Lush, c'était le groupe Kitchens of Distinction et la pièce instrumentale Tree to Beam Up qu'on peut retrouver en tant que B-side du simple Quick as Rainbows qui accompagne l'album Strange Free World paru en 1990. Toutefois, les sonoristes ont pigé la pièce sur l'anthologie de Kitchens of Distinction intitulée Capsule, The Best of K.O.D., qui regroupe plusieurs compositions du groupe réalisées entre 1988 et 1994. En conclusion de cette transmission 540 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe suisse The Young Gods de son septième album studio Everybody Knows, lancé en 2010. Nous entendrons la chanson Miles Away. La transmission 541 sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM avant d'être classée dans les archives numériques d'Audiomatic dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc The Young Gods et la chanson Miles Away. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. this time.